Section 11. Quatrième partie. Livre quatrième. Suite. Alors commença une scène d'un autre genre. La royauté future, dans la personne d'un enfant, venait de me mêler à ces jeux. La royauté passée, dans la personne d'un vieillard, me fit assister au sien. Une partie de whist, éclairée par deux bougies dans le coin d'une salle obscure, commença entre le roi et le dauphin, le duc de Blacas et le cardinal Latil. J'en étais le seul témoin, avec l'écuyer Auguerty. À travers les fenêtres dont les volets n'étaient pas fermés, le crépuscule mêlait sa pâleur à celle des bougies. La monarchie s'éteignait entre ces deux lueurs expirantes. Profond silence, hors le frôlement des cartes et quelques cris du roi qui se fâchaient, les cartes furent renouvelées des latins afin de soulager l'adversité de Charles VI. Mais il n'y a plus d'Augier et de Lahire pour donner leur nom sous Charles X à ces distractions du malheur. Le jeu fini, le roi me souhaita le bonsoir. Je passai les salles désertes et sombres que j'avais traversées la veille, les mêmes escaliers, les mêmes cours, les mêmes gardes, et descendu des talus de la colline, je regagnai mon auberge en m'égarant dans les rues et dans la nuit. Charles X restait enfermé dans les masses noires que je quittais. Rien ne peut peindre la tristesse de son abandon et de ses années. Prague, 27 mai 1833. J'avais grand besoin de mon lit, mais le baron Capel, arrivé de Hollande, logeait dans une chambre voisine de la mienne, et il accourut. Quand le torrent tombe de haut, l'abîme qu'il creuse et dans lequel il s'engloutit fixe les regards et rend muet. Mais je n'ai ni patience ni pitié pour les ministres, dont la main débile laissa tomber dans ce gouffre la couronne de Saint-Louis, comme si les flots devaient la rapporter. Ceux de ces ministres qui prétendent s'être opposés aux ordonnances sont les plus coupables. Ceux qui se disent avoir été les plus modérés sont les moins innocents. S'ils y voyaient clair, que ne se retiraient-ils ? Ils n'ont pas voulu abandonner le roi. Monsieur le Dauphin les a traités de poltrons. Mauvaise défaite. Ils n'ont pu s'arracher à leur portefeuille. Quoi qu'ils en disent, il n'y a pas autre chose au fond de cette immense catastrophe. Et quel beau sang-froid depuis l'événement ! L'un écrivaille sur l'histoire d'Angleterre, après avoir si bien arrangé l'histoire de France. L'autre lamente la vie et la mort du duc de Reichstadt, après avoir envoyé à Prague le duc de Bordeaux. Je connaissais M. Capel. Il est juste de se souvenir qu'il était demeuré pauvre. Ses prétentions ne dépassaient pas sa valeur. Il aurait très volontiers dit, comme Lucien, « Si vous venez m'écouter dans l'espoir de respirer l'ambre et d'entendre le chant du cygne, j'atteste les dieux que je n'ai jamais parlé de moi en termes si magnifiques. » Par le temps actuel, la modestie est une qualité rare, et le seul tort de M. Capel est de s'être laissé nommer ministre. Je reçus la visite de M. le baron de Damas. Les vertus de ce brave officier lui avaient monté à la tête. Une congestion religieuse lui embarrassait le cerveau. Il est des associations fatales. Le duc de Rivière recommanda en mourant M. de Damas pour gouverneur du duc de Bordeaux. Le prince de Polignac était membre de cette coterie. L'incapacité est une franc-maçonnerie dont les loges sont en tout pays. Cette charbonnerie a des oubliettes dont elle ouvre les soupapes et dans lesquelles elle fait disparaître les étangs. La domesticité était si naturelle à la cour que M. de Damas, en choisissant M. Lavillatte, n'avait jamais voulu lui octroyer d'autre titre que le titre de premier valet de chambre de Mgr le duc de Bordeaux. À la première vue, je me pris de goût pour ce militaire à crocs gris, doc fidèle, chargé d'aboyer autour de son mouton. Il appartenait à ces loyaux porte-grenades qu'estimait l'effrayant maréchal de Montluc et dont il disait « il n'y a point d'arrière-boutique en eux ». M. Lavillatte sera renvoyé pour sa sincérité, non à cause de sa brusquerie. De la brusquerie de caserne, on s'en arrange. Souvent, l'adulation au camp fume la flatterie d'un air indépendant. Mais chez le vieux brave dont je parle, tout était franchise. Il aurait retiré avec honneur sa moustache s'il avait emprunté dessus 30 000 piastres comme Jean de Castro. Sa figure rébarbative n'était que l'expression de la liberté. Il avertissait seulement par son air qu'il était prêt. Avant de mettre au champ leur armée, les Florentins en prévenaient l'ennemi par le son de la cloche Martinella. Prague, 27 mai 1833. J'avais formé le projet d'entendre la messe à la cathédrale dans l'enceinte des châteaux. Retenu par les visiteurs, je n'eus que le temps d'aller à la basilique des ci-devant jésuites. on y chantait avec accompagnement d'orgue. Une femme placée auprès de moi avait une voix dont l'accent me fit tourner la tête. Au moment de la communion, elle se couvrit le visage de ses deux mains et n'alla point à la sainte table. Hélas, j'ai déjà exploré bien des églises dans les quatre parties de la terre, sans avoir pu dépouiller, même au tombeau du Sauveur, le rude cilice de mes pensées. J'ai peint Abenhamet errant dans la mosquée chrétienne de Cordoue. Il entrevit au pied d'une colonne une figure immobile qu'il prit d'abord pour une statue sur un tombeau. L'original de ce chevalier qu'entrevoyait Abenhamet était un moine que j'avais rencontré dans l'église de l'Escurial et dont j'avais envié la foi. Qui sait cependant les tempêtes au fond de cette âme si recueillie et quelles supplications montaient vers le pontife saint et innocent. Je venais d'admirer dans la sacristie déserte de l'Escurial une des plus belles vierges de Murillo. J'étais avec une femme. Elle me montra la première, le religieux, sourd au bruit des passions qui traversaient auprès de lui le formidable silence du sanctuaire. Après la messe à Prague, j'envoyai chercher une calèche. Je pris le chemin tracé dans les anciennes fortifications et par lesquelles les voitures montent au château. On était occupé à dessiner des jardins sur ces remparts. L'euphonie d'une forêt y remplacera le fracas de la bataille de Prague. Le tout sera très beau dans une quarantaine d'années. Dieu fasse que Henri V ne demeure pas assez longtemps ici pour jouir de l'ombre d'une feuille qui n'est pas encore née. Devant dîner le lendemain chez le gouverneur, je crus qu'il était poli d'aller voir madame la comtesse de Chautec. Je l'aurais trouvée aimable et belle quand elle ne m'eût pas cité de mémoire des passages de mes écrits. Je montai à la soirée de madame de Guiche, j'y rencontrai le général Skrinecki et sa femme. Il me fit le récit de l'insurrection de la Pologne et du combat d'Ostrolenka. Quand je me levai pour sortir, le général me demanda la permission de presser ma vénérable main et d'embrasser le patriarche de la liberté de la presse. Sa femme voulut embrasser en moi l'auteur du génie du christianisme. La monarchie reçut de grand cœur le baiser fraternel de la République. J'éprouvais une satisfaction d'honnête homme. J'étais heureux de réveiller, à différents titres, de nobles sympathies dans des cœurs étrangers, d'être tour à tour pressé sur le sein du mari et de la femme par la liberté et la religion. Lundi 27 au matin, l'opposition vint m'apprendre que je ne verrais point le jeune prince. Monsieur de Damas avait fatigué son élève en le traînant d'église en église aux stations du Jubilé. Cette lassitude servait de prétexte à un congé et motivait une course à la campagne. On me voulait cacher l'enfant. J'employai la matinée à courir la ville. À 5 heures, j'allais dîner chez le comte de Chautec. La maison du comte de Chautec, bâtie par son père, qui fut aussi grand burgrave de Bohême, présente extérieurement la forme d'une chapelle gothique. Rien n'est original aujourd'hui, tout est copie. Du salon, on a une vue sur les jardins, ils descendent en pente dans une vallée. Toujours lumière fade, sol grisâtre, comme dans ces fonds anguleux des montagnes du nord où la nature décharnée porte la haire. Le couvert était mis dans le pleasure ground, sous des arbres. Nous dînâmes sans chapeau. Ma tête, que tant d'orages insultèrent en emportant ma chevelure, était sensible au souffle du vent. Tandis que je m'efforçais d'être présent au repas, je ne pouvais m'empêcher de regarder les oiseaux et les nuages qui volaient au-dessus du festin. Passagers embarqués sur les brises et qui ont des relations secrètes avec mes destinées. Voyageurs, objets de mon envie et dont mes yeux ne peuvent suivre la course aérienne sans une sorte d'attendrissement. J'étais plus en société avec ces parasites errants dans le ciel qu'avec les convives assis auprès de moi sur la terre. Heureuse anachorète qui, pour d'apifère, aviez un corbeau. Je ne puis vous parler de la société de Prague, puisque je ne l'ai vue qu'à ce dîner. Il s'y trouvait une femme, fort à la mode à Vienne, et fort spirituelle, assurait-on. Elle m'apparut aigre et sotte, quoiqu'elle eût quelque chose de jeune encore, comme ces arbres qui gardent l'été les grappes séchées de la fleur qu'ils ont portée au printemps. Je ne sais donc des mœurs de ce pays que celles du XVIe siècle, racontées par Bassompierre. Il aima Anna Esther, âgée de 18 ans, veuve depuis 6 mois. Il passa 5 jours et 6 nuits, déguisé et caché dans une chambre auprès de sa maîtresse. Il joua à la paume dans Hartschin avec Wallenstein. N'étant ni Wallenstein ni Bassompierre, je ne prétendais ni à l'Empire ni à l'amour. Les Hesters modernes veulent des Assuérus qui puissent, tout déguisés qu'ils sont, se débarrasser la nuit de leurs dominos. On ne dépose pas le masque des années. Prague, 27 mai 1833. Au sortir du dîner, à 7 heures, je me rendis chez le roi. J'y rencontrai les personnes de la veille, excepté M. le duc de Bordeaux, qu'on disait souffrant de ses stations du dimanche. Le roi était à demi couché sur un canapé, et mademoiselle assise sur une chaise tout contre les genoux de Charles X, qui caressait le bras de sa petite fille en lui faisant des histoires. La jeune princesse écoutait avec attention. Quand je parus, elle me regarda avec le sourire d'une personne raisonnable qui m'aurait voulu dire « Il faut bien que j'amuse mon grand-papa ». « Chateaubriand !» s'écria le roi. « Je ne vous ai pas vu hier. »« Sire, j'ai été averti trop tard que votre majesté m'avait fait l'honneur de me nommer de son dîner. Ensuite, c'était le dimanche de la Pentecôte, jour où il n'est pas permis de voir votre majesté. »« Comment cela ?» dit le roi. « Sire, ce fut le jour de la Pentecôte, il y a 9 ans, que me présentant pour vous faire ma cour, on me défendit votre porte. » Charles X parut ému. « On ne vous chassera pas du château de Prague. »« Non, sire, car je ne vois pas ici ces bons serviteurs qui m'éconduisirent au jour de la prospérité. » Le whist commença, et la journée finit. Après la partie, je rendis au duc de Blacas la visite qu'il m'avait faite. Le roi, me dit-il, m'a prévenu que nous causerions. Je lui répondis que le roi, n'ayant pas jugé à propos de convoquer son conseil, devant lequel j'aurais pu développer mes idées sur l'avenir de la France et la majorité du duc de Bordeaux, je n'avais plus rien à dire. « Sa majesté n'a point de conseil, » repartit le duc de Blacas, avec un rire chevrotant et des yeux tout contents de lui. « Il n'a que moi, absolument que moi. » Le grand maître de la garde-robe a la plus haute idée de lui-même, maladie française. À l'entendre, il fait tout, il peut tout. Il a marié la duchesse de Berry, il dispose des rois, il mène Metternich par le bout du nez, il tient Nesselrode au collet, il règne en Italie, il a gravé son nom sur un obélisque à Rome, il a dans sa poche les clés des conclaves, les 3 derniers papes lui doivent leur exaltation. Il connaît si bien l'opinion, il mesure si bien son ambition à ses forces, qu'en accompagnant Madame la Duchesse de Berry, il s'était fait donner un diplôme qui le nommait chef du Conseil de la Régence, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Et voilà comment ces pauvres gens comprennent la France et le siècle. Cependant, M. de Blacas est le plus intelligent et le plus modéré de la bande. En conversation, il est raisonnable. Il est toujours de votre avis. « Vous pensez cela? C'est précisément ce que je disais hier. Nous avons absolument les mêmes idées. » Il gémit de son esclavage. Il est là des affaires. Il voudrait habiter un coin de la terre ignorée pour y mourir en paix loin du monde. Quant à son influence sur Charles X, ne lui en parlez pas. On croit qu'il domine Charles X. Erreur. Il ne peut rien sur le roi. Le roi ne l'écoute pas. Le roi refuse ce matin une chose. Ce soir, il accorde cette chose. Sans qu'on sache pourquoi, il a changé d'avis, etc. Lorsque M. de Blacas vous raconte ses balivernes, il est vrai parce qu'il ne contrarie jamais le roi. Il n'est pas sincère parce qu'il n'inspire à Charles X que des volontés d'accord avec les penchants de ce prince. Au surplus, M. de Blacas a du courage et de l'honneur. Il n'est pas sans générosité, il est dévoué et fidèle. En se frottant aux hautes aristocraties et en entrant dans la richesse, il a pris de leur allure. Il est très bien né, il sort d'une maison pauvre mais antique, connue dans la poésie et dans les armes. Le guindé de ses manières, son aplomb, son rigorisme d'étiquette, conservent à ses maîtres une noblesse qu'on perd trop aisément dans le malheur. Du moins, dans le muséum de Prague, l'inflexibilité de l'armure tient debout un corps qui tomberait. M. de Blacas ne manque pas d'une certaine activité, il expédie rapidement les affaires communes, il est ordonné et méthodique, connaisseur assez éclairé dans quelques branches d'archéologie, amateur des arts sans imagination et libertin à la glace, il ne s'émeut pas même de ses passions. Son sang-froid serait une qualité de l'homme d'État, si son sang-froid n'était autre que sa confiance dans son génie, et son génie trahit sa confiance. On sent en lui le grand seigneur avorté, comme on le sent dans son compatriote, la Valette, duc d'Épernon. Où il y aura ou il n'y aura pas restauration. S'il y a restauration, M. de Blacas rentre avec les places et les honneurs. S'il n'y a pas restauration, la fortune du grand maître de la garde-robe est presque toute hors de France. Charles X et Louis XIX seront morts. Il sera bien vieux, lui, M. de Blacas. Ses enfants resteront les compagnons du prince exilé, d'illustres étrangers dans des cours étrangères. Dieu soit loué de tout. Ainsi la révolution qui a élevé et perdu Bonaparte aura enrichi M. de Blacas. Cela fait compensation. M. de Blacas, avec sa longue figure immobile et décolorée, est l'entrepreneur des pompes funèbres de la monarchie. Il l'a enterré à Hardwell, il l'a enterré à Gand, il l'a réenterré à Édimbourg et il la réenterrera à Prague ou ailleurs, toujours veillant à la dépouille des hauts et puissants défunts, comme ces paysans des côtes qui recueillent les objets naufragés que la mer rejette sur ses bords. Prague, 28 et 29 mai 1833. Le mardi 28 mai, la leçon d'histoire à laquelle je devais assister à 11 heures n'ayant pas lieu, je me trouvai libre de parcourir, ou plutôt de revoir la ville, que j'avais déjà vue et revue en allant et venant. Je ne sais pourquoi je m'étais figuré que Prague était nichée dans un trou de montagne, qui portait leur ombre noire sur un tapon de maisons chaudronnées. Prague est une cité riante, aux pyramides 25 à 30 tours et clochers élégants. Son architecture rappelle une ville de la Renaissance. La longue domination des empereurs sur les pays cisalpins a rempli l'Allemagne d'artistes de ces pays. Les villages autrichiens sont des villages de la Lombardie, de la Toscane ou de la terre ferme de Venise. On se croirait chez un paysan italien si dans les fermes à grandes chambres nues un poêle ne remplaçait le soleil. La vue dont on jouit des fenêtres du château est agréable. D'un côté, on aperçoit les vergers d'un frais vallon à pentes vertes, enclos des murs dentelés de la ville, qui descendent jusqu'à la Moldau, à peu près comme les murs de Rome descendent du Vatican au Tibre. De l'autre côté, on découvre la ville traversée par la rivière, laquelle rivière s'embellit d'une île plantée en amont et embrasse une île en aval en quittant le faubourg du Nord. La Moldau se jette dans l'Elbe. Un bateau qui m'aurait pris au pont de Prague m'aurait pu débarquer au pont royal à Paris. Je ne suis pas l'ouvrage des siècles et des rois. Je n'ai ni le poids ni la durée de l'obélisque que le Nil envoie maintenant à la Seine. Pour remorquer ma galère, la ceinture de la Vestale du Tibre suffirait. Le pont de la Moldau, bâti en bois en 795 par Mnata, fut, à diverses époques, refait en pierre. Tandis que je mesurais ce pont, Charles X cheminait sur le trottoir. Il portait sous le bras un parapluie. Son fils l'accompagnait comme un cicérone de louage. J'avais dit dans le conservateur qu'on se mettrait à la fenêtre pour voir passer la monarchie. Je la voyais passer sur le pont de Prague. Dans les constructions qui composent Atschrin, on voit des salles historiques, des musées que tapissent les portraits restaurés et les armes fourbies des ducs et des rois de Bohême. Non loin des masses informes, se détache sur le ciel un joli bâtiment vêtu d'un des élégants portiques du Cinquecento. Cette architecture a l'inconvénient d'être en désaccord avec le climat. Si l'on pouvait du moins, pendant les hivers de Bohême, mettre ces palais italiens en serre chaude avec les palmiers, j'étais toujours préoccupé de l'idée du froid qu'il devait avoir la nuit. Prague, souvent assiégée, pris et repris, nous est militairement connue par la bataille de son nom et par la retraite où se trouvait Vauvenargues. Les boulevards de la ville sont démolis, les fossés du château du côté de la haute plaine forment une étroite et profonde entaille, maintenant plantée de peupliers. À l'époque de la guerre de 30 ans, ces fossés étaient remplis d'eau. Les protestants, ayant pénétré dans le château le 23 mai 1618, jetèrent par la fenêtre deux seigneurs catholiques avec le secrétaire d'État. Les trois plongeurs se sauvèrent. Le secrétaire, en homme bien appris, demanda 1000 pardons à l'un des deux seigneurs d'être tombé malhonnêtement sur lui. Dans ce mois de mai 1833, on n'a plus la même politesse. Je ne sais trop ce que je dirais en pareil cas, moi qui ai cependant été secrétaire d'État. Tycho Brahe mourut à Prague. Voudriez-vous, pour toute sa science, avoir comme lui un faux-nez de cire ou d'argent ? Tycho se consolait en Bohême, ainsi que Charles X, en contemplant le ciel. L'astronome admirait l'ouvrage, le roi adore l'ouvrier. L'étoile apparue en 1572, éteinte en 1574, qui passa successivement du blanc éclatant au jaune rouge de Mars et au blanc plombé de Saturne, offrit aux observations de Tycho le spectacle de l'incendie d'un monde. Qu'est-ce que la révolution dont le souffle a poussé le frère de Louis XVI à la tombe du Newton danois, auprès de la destruction d'un globe, accomplie en moins de 2 années? Le général Moreau vint à Prague concerter avec l'empereur de Russie une restauration que lui, Moreau, ne devait pas voir. Si Prague était au bord de la mer, rien ne serait plus charmant. Aussi Shakespeare frappe la Bohême de sa baguette et en fait un pays maritime. « Es-tu certain, dit Antigonus à un matelot dans le conte d'hiver, que notre vaisseau a touché les déserts de Bohême ? » Antigonus descend à terre, chargé d'exposer une petite fille à laquelle il adresse ces mots. « Fleur, prospère ici, la tempête commence, tu as bien l'air de devoir être rudement bercé. » Shakespeare ne semble-t-il pas avoir raconté d'avance l'histoire de la princesse Louise, de cette jeune fleur, de cette nouvelle Perdita, transportée dans les déserts de la Bohême. Prague, 28 et 29 mai 1833. Confusion, sang, catastrophe, c'est l'histoire de la Bohême. Ses ducs et ses rois, au milieu des guerres civiles et des guerres étrangères, luttent avec leurs sujets ou se collettent avec les ducs et les rois de Silésie, de Saxe, de Pologne, de Moravie, de Hongrie, d'Autriche et de Bavière. Pendant le règne de Venceslas VI, qui mettait à la broche son cuisinier quand il n'avait pas bien rôti un lièvre, s'éleva Jean Hus, lequel, ayant étudié à Oxford, en apporta la doctrine de Wyclef. Les protestants, qui cherchaient partout des ancêtres sans en pouvoir trouver, rapportent que du haut de son bûcher, Jean chanta, prophétisa la venue de Luther. Le monde rempli d'aigreur, dit Bossuet, enfanta Luther et Calvin qui cantonnent la chrétienté. Des luttes chrétiennes et païennes, des hérésies précoces de la Bohême, des importations d'intérêts étrangers et de mœurs étrangères, résulta une confusion favorable aux mensonges. La Bohême passa pour le pays des sorciers. D'anciennes poésies découvertes en 1817 par M. Hanka, bibliothécaire du musée de Prague, dans les archives de l'église de Koenig-Gindhof, sont célèbres. Un jeune homme, que je me plais à citer, fils d'un savant illustre, M. Ampère, a fait connaître l'esprit de ses chants. Selakowski a répandu des chansons populaires dans l'idiome slave. Les Polonais trouvent le dialecte bohème efféminé. C'est la querelle du dorien et de l'ionique. Le bas-breton de Vannes traite de barbare le bas-breton de Tréguier. Le slave ainsi que le magyar se prêtent à toutes les traductions. Ma pauvre Atala a été accoutrée d'une robe de point de Hongrie. Elle porte aussi un doliman arménien et un voile arabe. Une autre littérature a fleuri en Bohême, la littérature moderne latine. Le prince de cette littérature, Boïslas Einstein, baron de Lobkowitz, né en 1462, s'embarqua en 1490 à Venise, visita la Grèce, la Syrie, l'Arabie et l'Égypte. Lobkowitz m'a devancé de 326 ans, à ces lieux célèbres, et, comme Lord Byron, il a chanté son pèlerinage. Avec quelle différence d'esprit, de cœur, de pensée et de mœurs, nous avons, à plus de 3 siècles d'intervalle, médité sur les mêmes ruines et sous le même soleil. Lobkowitz, bohème, Lord Byron, anglais, et moi, enfant de France. À l'époque du voyage de Lobkowitz, d'admirables monuments, depuis renversés, étaient debout. Ce devait être un spectacle étonnant que celui de la barbarie dans toute son énergie, tenant sous ses pieds la civilisation terrassée, les janissaires de Mahomet II, ivres d'opium, de victoires et de femmes, le cimeterre à la main, le front festonné du turban sanglant, échelonné pour l'assaut sur les décombres de l'Égypte et de la Grèce. Et moi, j'ai vu la même barbarie, parmi les mêmes ruines, se débattre sous les pieds de la civilisation. en arpentant la ville et les faubourgs de Prague, les choses que je viens de dire venaient s'appliquer sur ma mémoire comme les tableaux d'une optique sur une toile. Mais, dans quelque coin que je me trouvasse, j'apercevais Hartschin et le roi de France appuyé sur les fenêtres de ce château comme un fantôme dominant toutes ses ombres. Prague, 29 mai 1833. Ma revue de Prague étant faite, j'allais le 29 mai dîner au château à 6 heures. Charles X était fort gai. Au sortir de table, en s'asseyant sur le canapé du salon, il me dit « Chateaubriand, savez-vous que le National, arrivé ce matin, déclare que j'avais le droit de faire mes ordonnances ?»« Sire, ai-je répondu, votre majesté jette des pierres dans mon jardin. » Le roi indécis hésitait. Puis, prenant son parti, « J'ai quelque chose sur le cœur. Vous m'avez diablement maltraité dans la première partie de votre discours à la Chambre des Pairs. » Et tout de suite, le roi, ne me laissant pas le temps de répondre, s'est écrié « Oh, la fin, la fin ! Le tombeau vide à Saint-Denis ! C'est admirable ! C'est très bien, très bien ! N'en parlons plus ! Je n'ai pas voulu garder cela. C'est fini, c'est fini !» Et il s'excusait d'avoir osé hasarder ce peu de mots. J'ai baisé avec un pieux respect la main royale. « Que je vous dise, a repris Charles X, j'ai peut-être eu tort de ne pas me défendre à Rambouillet. J'avais encore de grandes ressources, mais je n'ai pas voulu que le sang coulât pour moi. Je me suis retiré. » Je n'ai point combattu cette noble excuse. J'ai répondu « Sire, Bonaparte s'est retiré 2 fois, comme votre majesté, afin de ne pas prolonger les maux de la France. » Je mettais ainsi la faiblesse de mon vieux roi à l'abri de la gloire de Napoléon. Les enfants arrivés, nous nous sommes approchés d'eux. Le roi parla de l'âge de mademoiselle. « Comment, petit chiffon ? » s'écria-t-il. « Vous avez déjà 14 ans ?»« Oh, quand j'en aurai 15 !» dit mademoiselle. « Eh bien, qu'en ferez-vous ? » dit le roi. Mademoiselle resta court. Charles X raconta quelque chose. « Je ne m'en souviens pas, » dit le duc de Bordeaux. « Je le crois bien, » répondit le roi. « Cela se passait le jour même de votre naissance. » « Oh ! » répliqua Henri, il y a donc bien longtemps. Mademoiselle, penchant un peu la tête sur son épaule, levant son visage vers son frère, tandis que ses regards tombaient obliquement sur moi, dit avec une petite mine ironique, « Il y a donc bien longtemps que vous êtes né. » Les enfants se retirèrent, je saluai l'orphelin, je devais partir dans la nuit. Je lui dis adieu en français, en anglais et en allemand. Combien Henri apprendra-t-il de langues pour raconter ses errantes misères, pour demander du pain et un asile à l'étranger ? Quand la partie de whist commença, je pris les ordres de Sa Majesté. « Vous allez voir Madame la Dauphine à Carlsbad, » dit Charles X. « Bon voyage, mon cher Chateaubriand, nous entendrons parler de vous dans les journaux. » J'allais de porte en porte offrir mes derniers hommages aux habitants du château. Je revis la jeune princesse chez Madame de Gontaut. Elle me remit pour sa mère une lettre au bas de laquelle se trouvaient quelques lignes de Henri. Je devais partir le 30 à 5 heures du matin. Le comte de Chotek avait eu la bonté de faire commander les chevaux sur la route. Un tripotage me retint jusqu'à midi. J'étais porteur d'une lettre de crédit de 2 000 francs payable à Prague. Je m'étais présenté chez un gros et petit matou juif qui poussa des cris d'admiration en me voyant. Il appela sa femme à son secours, elle accourut, ou plutôt elle roula jusqu'à mes pieds. Elle s'assit, toute courte, toute grasse, toute noire, en face de moi, avec 2 bras comme des ailerons, me regardant de ses yeux ronds. Quand le Messie serait entré par la fenêtre, cette Rachel n'aurait pas paru plus réjouie. Je me croyais menacée d'un Alléluia. L'agent de change m'offrit sa fortune, des lettres de crédit pour toute l'étendue de la dispersion israélite. Il ajouta qu'il m'enverrait mes 2 000 francs à mon hôtel. La somme n'était point comptée le 29 au soir. Le 30 au matin, lorsque les chevaux étaient déjà attelés, arrive un commis avec un paquet d'assignats, papiers de différentes origines qui perd plus ou moins sur la place et qui n'a pas cours hors des États autrichiens. Mon compte était détaillé sur une note qui portait pour solde bon argent. Je restai ébahi. « Que voulez-vous que je fasse de cela ? » dis-je au commis. « Comment, avec ce papier, payer la poste et la dépense des auberges ?» Le commis courut chercher des explications. Un autre commis vint et me fit des calculs sans fin. Je renvoyai le second commis. Un troisième me rapporta des écus de Brabant. Je partis, désormais en garde contre la tendresse que je pourrais inspirer aux filles de Jérusalem. Ma calèche était entourée sous la porte des gens de l'hôtel, parmi lesquels se pressait une jolie servante saxonne qui courait à un piano toutes les fois qu'elle attrapait un moment entre deux coups de sonnette. « Priez Léonard du Limousin ou Fanchon de la Picardie de vous jouer ou de vous chanter sur le piano « Tanti palpiti » ou « La prière de Moïse ». Prague et route, 29 et 30 mai 1833. J'étais entré à Prague avec de grandes appréhensions. Je m'étais dit, pour nous perdre, il suffit souvent à Dieu de nous remettre entre les mains nos destinées. Dieu fait des miracles en faveur des hommes, mais il leur en abandonne la conduite, sans quoi ce serait lui qui gouvernerait en personne. Or, les hommes font avorter les fruits de ces miracles. Le crime n'est pas toujours puni dans ce monde. Les fautes le sont toujours. Le crime est de la nature infinie et générale de l'homme. Le ciel seul en connaît le fond et s'en réserve quelquefois le châtiment. Les fautes d'une nature bornée et accidentelle sont de la compétence de la justice étroite de la terre. C'est pourquoi il serait possible que les dernières fautes de la monarchie fussent rigoureusement punies par les hommes. Je m'étais dit encore, on a vu des familles royales tomber dans d'irréparables erreurs en s'infatuant d'une fausse idée de leur nature. Tantôt elles se regardent comme des familles divines et exceptionnelles, tantôt comme des familles mortelles et privées. Selon l'occurrence, elles se mettent au-dessus de la loi commune ou dans les limites de cette loi. Violent-elles les constitutions politiques ? Elles s'écrient qu'elles en ont le droit, qu'elles sont la source de la loi, qu'elles ne peuvent être jugées par les règles ordinaires. Veulent-elles faire une faute domestique, donner par exemple une éducation dangereuse à l'héritier du trône ? Elles répondent aux réclamations « Un particulier peut agir envers ses enfants comme il lui plaît, et nous ne le pourrions pas ?» Et non, vous ne le pouvez pas. Vous n'êtes ni une famille divine, ni une famille privée. Vous êtes une famille publique. Vous appartenez à la société. Les erreurs de la royauté n'attaquent pas la royauté seule. Elles sont dommageables à la nation entière. Un roi bronche et s'en va. Mais la nation s'en va-t-elle ? Ne ressent-elle aucun mal ? Ceux qui sont demeurés attachés à la royauté absente, victimes de leur honneur, ne sont-ils ni interrompus dans leur carrière, ni poursuivis dans leurs proches, ni entravés dans leur liberté, ni menacés dans leur vie ? Encore une fois, la royauté n'est point une propriété privée. C'est un bien commun, indivise, et des tiers sont engagés dans la fortune du trône. Je craignais que dans les troubles inséparables du malheur, la royauté n'eût point reçu ses vérités et n'eût rien fait pour y revenir en temps utile. D'un autre côté, tout en reconnaissant les avantages immenses de la loi salique, je ne me dissimulais pas que la durée de race a quelques graves inconvénients pour les peuples et pour les rois. Pour les peuples, parce qu'elle mêle trop leur destinée avec celle des rois. Pour les rois, parce que le pouvoir permanent les enivre. Ils perdent les notions de la terre. Tout ce qui n'est pas à leurs autels, prières prosternées, humbles vœux, abaissement profond, est impiété. Le malheur ne leur apprend rien. L'adversité n'est qu'une plébéienne grossière qui leur manque de respect, et les catastrophes ne sont pour eux que des insolences. Je m'étais heureusement trompé. Je n'ai point trouvé Charles X dans ses hautes erreurs qui naissent au fait de la société. Je l'ai trouvé seulement dans les illusions communes d'un accident inattendu et qui sont plus explicables. Tout sert à consoler l'amour-propre du frère de Louis XVIII. Il voit le monde politique se détruire et il attribue avec quelque raison cette destruction à son époque, non à sa personne. Louis XVI n'a-t-il pas péri ? La République n'est-elle pas tombée ? Bonaparte n'a-t-il pas été contraint d'abandonner deux fois le théâtre de sa gloire ? Et n'est-il pas allé mourir captif sur un écueil ? Les trônes de l'Europe ne sont-ils pas menacés ? Que pouvait-il donc, lui, Charles X, plus que ses pouvoirs renversés ? Il a voulu se défendre contre des ennemis. Il était averti du danger par sa police et par des symptômes publics. Il a pris l'initiative. Il a attaqué pour n'être pas attaqué. Les héros des trois émeutes n'ont-ils pas avoué qu'ils conspiraient, qu'ils avaient joué la comédie pendant 15 ans ? Eh bien, Charles a pensé qu'il était de son devoir de faire un effort. Il a essayé de sauver la légitimité française et avec elle la légitimité européenne. Il a livré la bataille et il l'a perdue. Il s'est immolé au salut des monarchies. Voilà tout. Napoléon a eu son Waterloo, Charles X ses journées de juillet. Ainsi les choses se présentent au monarque infortuné. Il reste immuable à côté des événements qui calent et assujettissent son esprit. À force d'immobilité, il atteint une certaine grandeur. Homme d'imagination, il vous écoute, il ne se fâche point contre vos idées. Il a l'air d'y entrer et n'y entre point du tout. Il est des axiomes généraux qu'on met devant soi comme des gabions. Placés derrière ces abris, on tiraille de là sur les intelligences qui marchent. La méprise de beaucoup est de se persuader, d'après des événements répétés dans l'histoire, que le genre humain est toujours dans sa place primitive. Ils confondent les passions et les idées. Les premières sont les mêmes dans tous les siècles, les secondes changent avec la succession des âges. Si les effets matériels de quelques actions sont pareils à diverses époques, les causes qui les ont produits sont différentes. Charles X se regarde comme un principe, et en effet, il y a des hommes qui, à force d'avoir vécu dans des idées fixes, de génération en génération semblables, ne sont plus que des monuments. Certains individus, par le laps de temps et par leur prépondérance, deviennent des choses transformées en personnes. Ces individus périssent quand ces choses viennent à périr. Brutus et Caton étaient la République romaine incarnée. Ils ne lui pouvaient survivre, pas plus que le cœur ne peut battre quand le sang se retire. Je traçais autrefois ce portrait de Charles X. Vous l'avez vu depuis 10 ans, ce sujet fidèle, ce frère respectueux, ce père tendre, si affligé dans un de ses fils, si consolé par l'autre. Vous le connaissez, ce Bourbon qui vint le premier après nos malheurs, digne héros de la vieille France, se jeter entre vous et l'Europe une branche de lys à la main. Vos yeux s'arrêtent avec amour et complaisance sur ce prince qui, dans la maturité de l'âge, a conservé le charme et la noble élégance de la jeunesse, et qui maintenant, orné du diadème, n'est encore qu'un Français de plus au milieu de vous. Vous répétez avec émotion tant de mots heureux échappés à ce nouveau monarque qui puise dans la loyauté de son cœur la grâce de bien dire. Quel est celui d'entre nous qui ne lui confierait sa vie, sa fortune, son honneur? Cet homme que nous voudrions tous avoir pour ami, nous l'avons aujourd'hui pour roi. Ah, tâchons de lui faire oublier le sacrifice de sa vie. Que la couronne pèse légèrement sur la tête blanchie de ce chevalier chrétien. Pieux comme Louis XII, courtois comme François Ier, franc comme Henri IV, qu'il soit heureux de tout le bonheur qui lui a manqué pendant 6 longues années. Que le trône où tant de monarques ont rencontré des tempêtes soit pour lui un lieu de repos. Ailleurs, j'ai célébré encore le même prince. Le modèle a seulement vieilli, mais on le reconnaît dans les jeunes touches du portrait. L'âge nous flétrit en nous enlevant une certaine vérité de poésie qui fait le teint et la fleur de notre visage, et cependant on aime malgré soi le visage qui s'est fané en même temps que nos propres traits. Je chantais des hymnes à la race de Henri IV. Je les recommencerai de grand cœur, tout en combattant de nouveau les méprises de la légitimité et en m'attirant de nouveau ses disgrâces si elle était destinée à renaître. La raison en est que la royauté légitime constitutionnelle m'a toujours paru le chemin le plus doux et le plus sûr vers l'entière liberté. J'ai cru et je croirais encore faire l'acte d'un bon citoyen en exagérant même les avantages de cette royauté, afin de lui assurer, si cela dépendait de moi, la durée nécessaire à l'accomplissement de la transformation graduelle de la société et des mœurs. Je rends service à la mémoire de Charles X en opposant la pure et simple vérité à ce qu'on dira de lui dans l'avenir. L'inimitié des partis le représentera comme un homme infidèle à ses serments et violateur des libertés publiques. Il n'est rien de tout cela. Il a été de bonne foi en attaquant la charte. Il ne s'est pas cru et ne devait pas se croire parjure. Il avait la ferme intention de rétablir cette charte après l'avoir sauvée, à sa manière, et comme il la comprenait. Charles X est tel que je l'ai peint, doux, quoique sujet à la colère, bon et tendre avec ses familiers, aimable, léger, sans fiel, ayant tout du chevalier, la dévotion, la noblesse, l'élégante courtoisie, mais entremêlée de faiblesse, ce qui n'exclut pas le courage passif et la gloire de bien mourir. Incapable de suivre jusqu'au bout une bonne ou une mauvaise résolution, pétri avec les préjugés de son siècle et de son rang, à une époque ordinaire, roi convenable, à une époque extraordinaire, homme de perdition, non de malheur. Pour ce qui est du duc de Bordeaux, on voudrait en faire à Hardshin un roi toujours à cheval, toujours donnant de grands coups d'épée. Il faut sans doute qu'il soit brave. Mais c'est une erreur de se figurer qu'en ce temps-ci, le droit de conquête serait reconnu, qu'il suffirait d'être Henri IV pour remonter sur le trône. Sans courage, on ne peut régner. Avec le courage seul, on ne règne plus. Bonaparte a tué l'autorité de la victoire. Un rôle extraordinaire pourrait être conçu par Henri V. Je suppose qu'il sente à 20 ans sa position et qu'il se dise « Je ne puis pas demeurer immobile ». J'ai des devoirs de mon sang à remplir envers le passé, mais suis-je donc forcé de troubler la France à cause de moi seul? Dois-je peser sur les siècles futurs de tout le poids des siècles finis? Tranchons la question. Inspirons des regrets à ceux qui ont injustement proscrit mon enfance. Montrons-leur ce que je pouvais être. Il ne dépend que de moi de me dévouer à mon pays, en consacrant de nouveau, quelle que soit l'issue du combat, le principe des monarchies héréditaires. Alors le fils de Saint-Louis aborderait la France dans une double idée de gloire et de sacrifice. Il y descendrait avec la ferme résolution d'y rester, une couronne sur le front ou une balle dans le cœur. Au dernier cas, son héritage irait à Philippe. La vie triomphante ou la mort sublime de Henri rétablirait la légitimité, dépouillée seulement de ce que ne comprend plus le siècle et de ce qui ne convient plus au temps. Au reste, en supposant le sacrifice de mon jeune prince, il ne le ferait pas pour moi. Après Henri V, mort sans enfant, je ne reconnaîtrai jamais de monarque en France. Je me suis laissé aller à ses rêves. Ce que je suppose relativement au parti qu'aurait à prendre Henri n'est pas possible. En raisonnant de la sorte, je me suis placé en pensée dans un ordre de choses au-dessus de nous. Ordre qui, naturel à une époque d'élévation et de magnanimité, ne paraîtrait aujourd'hui qu'une exaltation de roman. C'est comme si j'opinais à l'heure qu'il est d'en revenir aux croisades. Or, nous sommes terre à terre dans la triste réalité d'une nature humaine amoindrie. Telle est la disposition des âmes que Henri V rencontrerait dans l'apathie de la France au-dedans et dans les royautés au-dehors des obstacles invincibles. Il faudra donc qu'il se soumette, qu'il consente à attendre les événements, à moins qu'il ne se décidât à un rôle qu'on ne manquerait pas de stigmatiser du nom d'aventurier. Il faudra qu'il rentre dans la série des faits médiocres et qu'il voie, sans toutefois s'en laisser accabler, les difficultés qui l'environnent. Les Bourbons ont tenu après l'Empire parce qu'ils succédaient à l'arbitraire. Se figure-t-on Henri transporté de Prague au Louvre après l'usage de la plus entière liberté ? La nation française n'aime pas au fond cette liberté, mais elle adore l'égalité. Elle n'admet l'absolu que pour elle et par elle, et sa vanité lui commande de n'obéir qu'à ce qu'elle s'impose. La Charte a essayé vainement de faire vivre sous la même loi deux nations devenues étrangères l'une à l'autre, la France ancienne et la France moderne. Comment, quand des préjugés se sont accrus, feriez-vous se comprendre l'une et l'autre France ? Vous ne ramèneriez point les esprits en remettant sous les yeux des vérités incontestables. À entendre la passion ou l'ignorance, les Bourbons sont les auteurs de tous nos maux. La réinstallation de la branche aînée serait le rétablissement de la domination du château. Les Bourbons sont les fauteurs et les complices de ces traités oppresseurs dont, à bon droit, je n'ai jamais cessé de me plaindre. Et pourtant, rien de plus absurde que toutes ces accusations, où les dates sont également oubliées et les faits grossièrement altérés. La Restauration n'exerça quelque influence dans les actes diplomatiques qu'à l'époque de la première invasion. Il est reconnu qu'on ne voulait point cette Restauration puisqu'on traitait avec Bonaparte à Châtillon. Que l'eût-il voulu, il demeurait empereur des Français. Sur l'entêtement de son génie et faute de mieux, on prit les Bourbons qui se trouvaient là. Monsieur, lieutenant général du royaume, eut alors une certaine part aux transactions du jour. On a vu dans la vie d'Alexandre ce que le traité de Paris de 1814 nous avait laissé. En 1815, il ne fut plus question des Bourbons. Ils n'entrèrent en rien dans les contrats spoliateurs de la seconde invasion. Ces contrats furent le résultat de la rupture du ban de l'île d'Elbe. À Vienne, les alliés déclarèrent qu'ils ne se réunissaient que contre un seul homme, qu'ils ne prétendaient imposer ni aucune sorte de maître, ni aucune espèce de gouvernement à la France. Alexandre même avait demandé au Congrès un roi autre que Louis XVIII. Si celui-ci, en venant s'asseoir aux Tuileries, ne se fût hâté de voler son trône, il n'aurait jamais régné. Les traités de 1815 furent abominables, précisément parce qu'on refusa d'entendre la voix de la légitimité. Et c'est pour les faire brûler, ces traités, que j'avais voulu reconstruire notre puissance en Espagne. Le seul moment où l'on retrouve l'esprit de la Restauration est au congrès d'Aix-la-Chapelle. Les alliés étaient convenus de nous ravir nos provinces du nord et de l'est. M. de Richelieu intervint. Le tsar, touché de notre malheur, entraîné par son équitable penchant, remit à M. le duc de Richelieu la carte de France, sur laquelle était tracée la ligne fatale. J'ai vu, de mes propres yeux, cette carte du Styx entre les mains de Madame de Montcalm, sœur du noble négociateur. La France occupée comme elle l'était, nos places fortes ayant garnison étrangère, pouvions-nous résister? Une fois privés de nos départements militaires, combien de temps aurions-nous gémi sous la conquête? Eussions-nous eu un souverain d'une famille nouvelle, un prince d'occasion, on ne l'aurait point respecté. Parmi les alliés, les uns cédèrent à l'illusion d'une grande race, les autres crurent que, sous une puissance usée, le royaume perdrait son énergie et cesserait d'être un objet d'inquiétude. Cobbett lui-même en convient dans sa lettre. C'est donc une monstrueuse ingratitude de ne pas voir que, si nous sommes encore de la vieille Gaule, nous le devons au sang que nous avons le plus maudit. Ce sang qui, depuis 8 siècles, circulait dans les veines mêmes de la France, ce sang qui l'avait faite ce qu'elle est, l'a sauvée encore. Pourquoi s'obstiner à nier éternellement les faits? On a abusé contre nous de la victoire, comme nous en avions abusé contre l'Europe. Nos soldats étaient allés en Russie. Ils ont ramené sous leurs pas les soldats qui fuyaient devant eux. Après action, réaction, c'est la loi. Cela ne fait rien à la gloire de Bonaparte, gloire isolée et qui reste entière. Cela ne fait rien à notre gloire nationale, toute couverte de la poussière de l'Europe, dont nos drapeaux ont balayé les tours. Il était inutile, dans un dépit d'ailleurs trop juste, d'aller chercher à nos maux une autre cause que la cause véritable. Loin d'être cette cause, les Bourbons de moins dans nos revers, nous étions partagés. Appréciez maintenant les calomnies dont la Restauration a été l'objet. Qu'on interroge les archives des relations extérieures, on sera convaincu de l'indépendance du langage tenu aux puissances sous le règne de Louis XVIII et de Charles X. Nos souverains avaient le sentiment de la dignité nationale. Ils furent surtout rois à l'étranger, lequel ne voulut jamais avec franchise le rétablissement et ne vit qu'à regret la résurrection de la monarchie aînée. Le langage diplomatique de la France, à l'époque dont je traite, est, il faut le dire, particulier à l'aristocratie. La démocratie, pleine de larges et fécondes vertus, est pourtant arrogante quand elle domine. D'une munificence incomparable lorsqu'il faut d'immenses dévouements, elle échoue au détail. Elle est rarement élevée, surtout dans les longs malheurs. Une partie de la haine des cours d'Angleterre et d'Autriche contre la légitimité vient de la fermeté du cabinet des Bourbons. Fin de la section 11.